J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Malgré toutes les galères, même quand je suis pas fière, quand revient la colère, que j'ai plus de repères, quand c'est tout à l'envers, j'aime la vie, j'aime la vie, que je ressemble à ma mère. Ça vous forge un sacré caractère. Qu'on n'a rien pour acquis, qu'il faut se taire et s'en faire. Mais la nuit pour gagner la lumière, je me suis pourri la vie, j'ai pas compris. J'ai fait comme on voit dans les films, quand on se crie dessus mais qu'on termine de sa vie. J'ai fini sur le sol, comme les idoles, comme les idées claquées au sol, comme un vieux lendemain d'alcool. Mais aujourd'hui, c'est fini. Jamais pleurer, faire sans personne, faire impression, taire sa personne, taire ses pulsions, plaire à tout le monde, jamais tomber, toujours poli, toujours plié, toujours poli, toujours plié, toujours poli, toujours plié, toujours poli, toujours plié, mais tout a changé. Que les choses me sourient.